Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Bobino, quand une émission jeunesse devient une émission culte. Les adultes vont pas regarder Bobino, mais il y a des gens qui m'ont dit, à l'occasion, on vérifie, on regarde à 4 heures. Ah, tiens, t'es encore là, bravo, parfait, c'est tout. Ça les rassure. Leur enfance continue d'une certaine façon à travers d'autres enfants, à travers leurs propres enfants. Le comédien et animateur Guy Sanche à l'émission Présent Dimanche en 1984, l'émission Bobino détient probablement le record mondial de longévité pour une émission jeunesse diffusée à la télévision. Véritable ancrage culturel pour quelques générations de jeunes téléspectateurs, Bobino a été présenté quotidiennement au petit écran de 1957 à 1985. Ne me dis pas, Bobinette, que tu nous prépares un récital de ballet? Non, pas du tout, mon grand frère! Ah, ben la musique, c'est pas uniquement pour faire danser, hein? Ah non! Ah, parce que tu es là aussi, Giovanni? Bah oui, si, si, si! Depuis 5 minutes! Ah, mais vous êtes là aussi, mais tout. Bonjour, les tout petits! Oh, les amis sont là, on arrive! Mais oui, mais oui! Bon, j'arrête à la poste de la radio, là, n'est-ce pas? Tu ferais bien, Giovanni! Bonjour, les amis! Ça va bien? Ben, j'espère bien, oui! Qu'est-ce que tu fais, Giovanni? Oui. Oh oui, voilà, j'arrive. Buongiorno, les bambini, les bambinettes. Et à vous, le temps que vous me disiez. Bonjour, Giovanni. Je réponds. Buongiorno, signor, signor Bobino. Je pense que ce qu'il faut aimer surtout, c'est l'enfance. Parce que quand on m'a demandé de créer le personnage de Bobino, ma première référence, ça a été évidemment mon enfance. Moi, j'ai été un enfant heureux. J'ai été élevé dans une famille heureuse. Pauvre mais heureuse. Et j'ai essayé de retrouver ce qui faisait que j'avais, à l'âge de 4 ans déjà, j'ai des souvenirs, 5 ans, 6 ans, ce qui faisait que j'avais de l'intérêt pour la vie. J'en avais tellement. Et puis, j'ai tâché de faire passer ça dans le personnage. C'est-à-dire que le personnage, il est curieux. Il est ouvert à toutes sortes de choses. Sur la musique de Bobino, c'est à nouveau Guy Sanche que vous entendiez à l'émission Présent Dimanche en 1984. Et juste avant, vous entendiez l'extrait d'un épisode de Bobino également diffusé en 1984. Pour nous raconter la petite histoire de cette grande émission de télé qu'a été Bobino, je reçois Olivier Côté. Il est conservateur des médias et des communications au Musée canadien de l'histoire à Gatineau et il mène actuellement des recherches justement sur l'histoire des émissions pour enfants au Canada. Olivier Côté, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être là. C'est un plaisir de parler avec vous de cette émission, émission phare, émission qui a marqué vraiment de nombreuses générations. Quelle place occupe cette émission-là, Bobino, pour vous, Olivier Côté, dans cette histoire des émissions pour enfants? Je vous dirais, c'est vraiment une incontournable, notamment à cause de sa durée de diffusion. 28 ans de diffusion, c'est assez exceptionnel. J'oserais dire, c'est l'émission jeunesse qui a connu le plus grand succès de l'histoire de la télévision jeunesse canadienne, notamment à cause du nombre d'épisodes qui ont été diffusés, plus de 5000, de sa quotidienneté. Et certains diraient dans le monde occidental, mais c'est un fait qui est difficilement vérifiable. Oui. Et je dirais aussi qu'elle a fait école à travers l'égalité, la sincérité, qui s'établit entre Bobino et les enfants téléspectateurs. Sinon, comment on peut comparer cette émission à d'autres émissions? Bien, il faut savoir que c'est une émission intercalaire ou interstitielle, donc de courts sketchs, surtout humoristiques, sont entrecoupés par des dessins animés, des émissions en stop-motion. Ça se rapproche beaucoup de ce qu'on retrouve les samedis, dimanche matin dans les émissions comme Samedi Jeune, Vasimolo, Bulldog Bazar, mais sans l'esprit, sans le tandem marionnette fantaisiste. Donc, des standards déjà établis, et c'est ce que je comprends de vos propos par cette émission-là, un classique, mais avec tout ce que ça veut dire, et qui fera école, justement. Ça va, en plus d'être ce classique qui va inspirer d'autres créateurs d'émissions jeunesse, la beauté de la chose, c'est que ça va être un immense succès auprès des enfants. On pense encore une fois à la longévité de l'émission, puis on comprend bien que ça marchait. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que cette émission-là plaisait tant? Il faut savoir que, bon, si on se replace au tout début de l'émission, jusque dans les, en 1985, c'est que c'est une émission qui accueille des générations d'enfants à leur retour d'école. Donc, elle dispose en quelque sorte d'une excellente case horaire. Donc, elle est diffusée à 16 heures du lundi au vendredi. Donc, c'est assez exceptionnel comme case horaire. Les histoires sont simples, la structure est simple. Il y a une grande variété de films d'animation qui rythment l'émission. Et tous les 2 à 7 ans, il y a de nouveaux décors, de nouvelles intrigues, de nouveaux personnages qui s'ajoutent. Et comme je le mentionnais, ben, il y a l'humanité des personnages, leur sincérité qui ajoute au succès. Mmh. Bobino Bobinette vraiment transperce l'écran, s'adresse aux enfants, ils se mettent à leur niveau, il y a une complicité qui se dégage de tout ça, et il y a une sorte de lien amical, intime qui se crée avec les enfants téléspectateurs, et donc c'est vraiment une formule divertissante, touchante. Oui. Qui retrouve son public. Ils font partie de la famille, véritablement. C'est une des clés du succès de l'émission également, avec cette case horaire dont vous parliez. Un petit mot sur le comédien Guy Sanche, avant de poursuivre notre aventure dans la petite histoire de Bobino. C'est lui qui va porter, qui va développer le personnage de Bobino pendant toutes ces années. Qui est-il en quelques mots? Ben, Guy Sanche est né à Hull, donc dans la ville de Gatineau, dans la rue Notre-Dame, le 5 juillet 1934. C'est le fils de Jean-Paul Sanche, de Juliette Sauvé, le deuxième d'une famille de 8 enfants. Il a vraiment baigné dans le milieu du théâtre amateur de la ville de Hull. Son grand-père, son père, sa mère ont tous été impliqués dans ce milieu-là. Puis ensuite, la famille déménage à Montréal. Le jeune Guy entre au Collège Sainte-Marie chez les Jésuites. Il joue dans des pièces de théâtre au collège. Il devient comédien, en quelque sorte, vers 1954-1955, dans la fameuse roulotte de Paul Buissonneau, mm-hmm. le fameux théâtre ambulant pour enfants qui fait des représentations à Montréal dans les parcs. Et donc, la roulotte, c'est vraiment une pépinière pour les émissions jeunesse de Radio-Canada. Sanche côtoie Clémence Desrochers, qui va devenir Mademoiselle Sainte-Bénite dans Grugeot et Délicat, Luc Durand, qui va devenir Goblet dans Sol et Goblet, Marcel Sabourin, Jean-Louis Millette. Donc, c'est un peu son école de théâtre. Et puis, il devient ensuite annonceur à la télé de Radio-Canada à Montréal. Et dans quel contexte, on voit donc qu'il a une expérience avec le jeune public, mais dans quel contexte naît Bobino en 57? Ben, en 57, Fernand Doré, directeur de la section jeunesse à Radio-Canada, lui confie cette émission et donc il n'a que 23 ans. C'est assez exceptionnel quand on y pense aujourd'hui. Le 23 mai 1957, là, il entre en ondes à Radio-Canada. Et au tout début, c'est extrêmement improvisé, la formule de l'émission. Ses interventions ne durent que quelques minutes. Et il commente beaucoup le courrier des enfants téléspectateurs. Il fait différentes chroniques. Et au fil de la saison, il devient en quelque sorte le personnage de Bobino. Il s'est inspiré d'un personnage de Hull qu'on appelait René Shea pour le créer. Il est tout de suite, dès le début, vêtu de son fameux chapeau melon, mm-hmm. son veston rapiécé, tout ça, tout ce qui fait la marque de commerce du personnage. Et donc, il est le seul maître à bord. Bobino, c'est le seul personnage qui est présent à l'écran. Et il crée toutes sortes de personnages fantômes, invisibles, oui. qu'on va connaître tout au long de l'émission. Télécino. Qui veut dire en quelque sorte télécinéma, qui présente des petits bouts de films. Camerio, qui est le caméraman qui agite la tête pour mm-hmm. dire oui ou non, qui ferme le gros œil parfois. Gustave, le régisseur, qui s'exprime par des grelots. Tapageur, le bruiteur, qui s'exprime grâce à sa trompe pouette-pouette. Donc, ces personnages-là, on ne les voit pas à l'écran et c'est ça qui fait toute l'inventivité de l'émission. Ouais, les personnages qui existent, l'équipe de coulisses qui se retrouve en quelque sorte personnage fantôme, comme vous le disiez, avec Bobino. Et puis, il y a un tournant important qui arrive en 1960. C'est à ce moment-là qu'arrive au petit écran le personnage de Bobinette, la petite sœur de Bobino. Mais qu'est-ce que c'est que cette grosse boîte, tapageur? T'as un messager qui vient de te remettre ça? Ah oui, oui, non, une petite seconde, là, tu permets? Ah, mais pour qui est-ce? C'est pour Bobinette? Ah ben ça, par exemple, attends une petite seconde là. Oh, dis donc, c'est un peu lourd ça. Eh, de la part de Mademoiselle Abricot pour Bobinette. Attendez, il y a une petite note. Non, il y a une petite note, tapageur. Lui remettre ce cadeau jeudi prochain à l'occasion de son anniversaire. Je vais en avoir le cœur net. Je vais ouvrir ce cadeau. Comment, tapageur? Ça ne se fait pas d'ouvrir les cadeaux qui ne sont pas pour nous. Pour un comédien, travailler avec une poupée qui est donc l'imaginaire alors que lui est réel, ça devait quelquefois être très difficile de pas se faire voler la vedette, c'est pas un terme exact, mais d'arriver à concurrencer l'imaginaire. Quand on travaillait, je n'avais aucune conscience de Christine Lamère. Pas du tout. Mais absolument pas. Ah, c'était Bobinet. Ah ben oui. Ah. C'est ça le miracle. Ah oui, c'est un miracle. C'est vrai que c'est un miracle. Parce qu'il ne me regardait pas. Difficile. J'étais en bas et puis il regardait la bobinette, les yeux dans les yeux. Ah, c'était ça. Mais oui. Ah oui, oui. Et j'avais pas de difficulté à faire ça. Ce n'est pas un... Je m'étais pas discipliné à ça. Ça allait de soi. Paf. Ah là là là là, voyons voir ça. Non, ça suffit. Non, ça suffit, Babinette. Ah, tu t'en doutais pas, hein, que je m'étais cachée dans la boîte pour te donner une bonne leçon. Extrait d'un épisode de Bobino diffusé en 1977 avec Christine Lamère dans le rôle de Bobinette. Vous entendiez aussi dans cet extrait Guy Sanche et Christine Lamère, justement, qui répondaient aux questions de Chantal Joly à l'émission L'oreille musclée en 1986. Alors, le personnage de Bobinette, la petite sœur de Bobino, fait donc son apparition au petit écran en 1960. Que change, Olivier Côté, l'arrivée de Bobinette? Ben, j'oserais dire ça change tout en quelque sorte, parce que là vraiment il y a une comparse, sa petite sœur Marionnette fait partie de l'émission, et donc il va s'installer un humour très burlesque. Bobinette qui va constamment jouer des tours à Bobino avec sa poire à eau, ses pétards à la farine. Et donc, ça va faire toute une différence dans le dynamisme des dialogues. Et aussi, Bobinette va renouveler beaucoup les intrigues à travers la large panoplie de vêtements dont elle dispose, qui évolue au gré des thèmes, des histoires de l'émission. Le Musée de la civilisation a d'ailleurs beaucoup de ses vêtements. Et donc, il y aura deux marionnettistes qui lui prêteront leur voix, Paul Bayard de 1960 à 1973 et Christine Lamère qu'on entendait de 1973 à 1985. Il faut savoir que c'est Bobinette, le papa de Bobinette, c'est Michel Cailloux qui, en 1959, intègre l'équipe de l'émission à la demande du réalisateur Louis Letuvée et de Guy Sanche. Mm-hmm. Et donc, ce tandem Sanche-Cailloux va vraiment former un duo créatif en osmose au tout début, en 1959, jusqu'en 1985. Tu sais, cette nuit, le Père Noël est passé à la ferme, disons, sur le coup de minuit. Ouais. Et qu'il venait du pôle Nord, ça veut dire qu'il se dirigeait vers le sud, hein? Oui, d'accord. Il a dû continuer dans cette direction. Oui, bien sûr. Alors, donc, cette tournée terminée, son chemin, c'est de repasser par ici pour retourner au pôle Nord. Ah ben ça, C'est pour ça que Tapageur et moi, on s'apprête à lui faire des grands signes dès qu'on l'apercevra dans le ciel. Oui. Avec son traîneau. Ben d'accord, Bobinette, je reconnais que c'est un raisonnement qui en vaut un autre. Oui, ça vaut un autre. Oui, mais à part un petit détail. Lequel? Mais supposons que le Père Noël passe par ici, mais qu'il ne voit pas les grands signes que vous allez lui faire. Mais si, parce qu'on va crier, hein? Tout en l'exant, là, au signe, là, on va crier fort pour attirer son attention. Mais supposons qu'il passe trop dans le ciel et qu'il ne vous entende pas. Oh, j'avais pas pensé à ça, Tapageur. J'avais pas pensé à ça, hein? Qu'est-ce que tu dis, Tapageur? Un cerf-volant? Mais oui, un cerf-volant! Ah ben ça, on va construire un cerf-volant sur lequel on écrira « Père Noël, arrêtez-vous, on vous attend en bas! » Oui, on le fera monter suffisamment haut dans les airs, le cerf-volant, pour qu'il soit obligé de le voir. Alors, on comprend bien avec ce qu'on vient d'entendre, le développement de l'imagination des enfants, l'aspect fantaisiste, c'est une préoccupation centrale pour les artisans de Bobino. L'extrait qu'on vient d'entendre remonte à 1984. Comment ça se traduit concrètement, Olivier Côté, cette volonté de développer l'imagination des enfants au petit écran avec Bobino? Bien, il y a plusieurs stratégies qui sont mises de l'avant pour développer l'imagination de l'enfant. D'abord, Bobino se déguise souvent pour surprendre les enfants, pour surprendre Bobinette. Et aussi, les histoires nous transportent dans des mondes inconnus, dans des pays qui semblent plutôt exotiques. On intègre aussi des bruitages qui suggèrent l'action plutôt que de la montrer, donc notamment à travers les personnages fantômes dont je parlais tout à l'heure. Et on intègre même de la magie à l'émission, notamment Michel le magicien fera quelques apparitions. Et ça sera extrêmement magique. Oui. Parlons un petit peu des thématiques qu'aborde Bobino. On le disait, ça a été une émission vraiment, une émission phare qui a inspiré beaucoup de créateurs jeunesse par la suite. Dans ceux qui suivront, il y a évidemment les créateurs de Passepartout, mais avec Passepartout, on est dans quelque chose de très éducatif, de très pédagogique. À l'époque de Bobino, on n'est pas encore là, mais il y a quand même des valeurs, des messages qui sont véhiculés. Ben, tout à fait. C'est vraiment une approche, j'oserais dire, on met de l'avant les ressorts dramatiques, les ressorts comiques de l'histoire, mais derrière tout ça, en sourdine, se retrouvent quand même certains objectifs pédagogiques derrière tous ces sketchs amusants-là. Et donc, dans cette perspective-là, notamment, on va s'intéresser, on va montrer aux enfants... par exemple, l'importance de pratiquer des sports, où on va présenter certaines consignes de sécurité, justement en matière de pour prévenir les incendies, des consignes à respecter lorsqu'on fait certaines activités. Et donc, c'est tout ça, c'est en sourdine parce que, comme vous le mentionnez, il n'y a pas de didacticien, il n'y a pas de pédagogue, il n'y a pas de spécialiste du développement de l'enfant. On est vraiment Caillou, Sanche. Amène ça d'une manière extrêmement intuitive, instinctive. Ouais. Et l'une des choses qui tient beaucoup à cœur à Michel Caillou et à Guy Sanche, c'est la langue et la qualité de la langue. Clairement, il y a une valorisation de la langue française dans l'émission. Bobino parle un français extrêmement correct, très châtié. Et donc, l'idée, c'est vraiment de donner du vocabulaire aux enfants. Et donc, le niveau de langue de l'émission ne changera pas du tout de ses débuts à la toute fin, malgré les grands bouleversements que vit la société québécoise. Notamment, on pense à la valorisation, la réhabilitation du joual dans les années, fin des années 60, début des années 70. Ouais. De la même manière que la qualité de la langue est importante, Bobino, Guy Sanche en particulier, mais encore là, Michel Caillou le suit dans cette aventure. Ils vont vraiment parfois parler de grande, ce qu'on appellerait la grande culture. Donc, l'idée n'est vraiment pas d'arriver au plus petit dénominateur commun. Au contraire, on veut élever les enfants, les mettre en contact avec la grande culture humaniste universelle. Tout à fait. Mais ce qui est assez surprenant dans le contexte d'aujourd'hui, on pense aux émissions pour enfants, c'est extrêmement centré sur les intérêts des enfants, les dinosaures, les voitures, les chevaliers, tout ça. Mais à l'époque, vraiment, Bobino, Guy Sanche, a cette préoccupation très humaniste de présenter notamment les grands compositeurs de musique classique comme Mozart, Beethoven, Bach, les grands opéras comme Le Barbier de Séville, Faust... des ballets, les contes classiques, ça c'est plutôt commun, je dirais, dans beaucoup d'émissions jeunesse de Radio-Canada dans les années 1960-1970. Puis également, ben, on valorise des arts plastiques à travers, justement, où on invite les jeunes téléspectateurs à réaliser des dessins, tout ça. Et donc, il y a clairement une valorisation de cette culture, je dirais, globale, humaniste dans l'émission. Bonjour, Bobby! Bobinetta, toi, ma chère amie, regarde qui est là. Mais j'ai pas une vision, là. Vous le reconnaissez, les amis. C'est Giovanni, mon correspondant italien. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais je suis venu pour te dire que je n'habite plus en Italie. Oh. Donc, toute ma famille et moi, on est venu s'installer dans ton pays. Mais où c'est? En ville, juste à côté du centre récréatif. Oh. Alors, tu veux dire que... Que j'ai pensé t'y voir. Oui. Mais seulement, comme tu y seras pas avant la fin de la semaine prochaine, j'ai profité de ce que mon père avait du travail à faire à l'auberge, à deux pas de la ferme, là, pour l'accompagner et pour venir te faire part de la nouvelle. Youpi! Allez, on s'embrasse. Ah, oui. Allez, trois fois. Extrait d'un épisode de Bobino diffusé en 1982. L'une des valeurs que veulent transmettre les créateurs de Bobino, on le comprend bien en écoutant cet extrait, Olivier Côté, c'est l'ouverture, c'est la diversité culturelle, l'ouverture à l'autre. Ça, c'est présent. Encore une fois, il faut se souvenir, là, on est en 1982 dans cet extrait qu'on vient d'entendre. Bien, tout à fait, comme vous l'avez mentionné, évidemment, dans Bobino, j'oserais dire, a vraiment participé à ouvrir les perspectives des enfants, à leur faire découvrir de nouvelles réalités, à leur faire accepter, aimer la différence des gens qui les entourent. Il y a vraiment une volonté du duo Sanche Caillou de parler de diversité culturelle, notamment en faisant voyager les enfants dans certains pays comme au Japon, en Chine, en Hollande, au Mexique, puis aussi comme dans l'extrait qu'on vient d'entendre à travers le personnage de Giovanni, qui est un petit Italien au ton basané, aux cheveux frisés, qui a un accent extrêmement prononcé, qui participe en quelque sorte à le montrer différent. Et donc, Michel Caillou avait cette volonté de présenter, sensibiliser les enfants au phénomène de l'immigration. Il y a aussi l'idée de l'amitié récurrente, de l'amitié sincère entre les peuples, de la solidarité qu'il faut avoir avec les enfants qui ont peu de ressources. Mais par contre, je voudrais apporter certains bémols en disant que évidemment, il y a certains épisodes qui pourraient peut-être moins passer aujourd'hui parce qu'ils se rapprochent dangereusement du concept d'appropriation culturelle. Oui. L'émission va bien, c'est un grand succès, elle va inspirer plein de créateurs par la suite, mais il reste qu'à un moment donné, en 1983, Radio-Canada décide de t'annoncer la fin de la production de nouveaux épisodes et la dernière émission originale est présentée le 14 juin 1985. Ça va être un coup très, très dur pour Guy Sanche, la fin de l'aventure de Bobineau. On écoute à ce propos un extrait du documentaire Guy Sanche, portrait d'un sympathique comédien, réalisé par Louise Racicot en 2002. Vous allez entendre dans cet extrait le vieux complice de Guy Sanche, Michel Caillou, de même que sa compagne Monique Chabot et son fils Dominique. Ce qui l'a le plus chagriné, c'est la raison qu'on lui a donnée. En lui disant... Tu comprends, Guy, il n'y a pas un enfant qui parle comme toi. Tu parles trop bien. On lui avait dit, on continue l'émission pour 30 ans. Et on est revenu sur la parole. Et Guy, ça a été épouvantable. Parce que le directeur de l'époque, c'était un de ses copains. Et un copain, il manquait à sa parole. Pour lui, c'était effrayant. Alors, ça a été très dur pour lui. Il aurait aimé, je pense, qu'on lui fasse une petite ovation, qu'on lui fasse peut-être une petite fête dans cette maison dont il avait alimenté les ondes pendant tant d'années. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. La fin de Bobineau, c'était triste pour lui. C'était triste parce que c'était sa vie. Ça faisait partie de sa vie, 28 ans. Ils ont tué le personnage, alors le comédien a suivi pas longtemps après. C'est terrible ce qu'on vient d'entendre. Ça montre l'importance qu'a eu cette émission pour Guy Sanche. Il ne s'en remettra jamais de la fin de Bobineau, Olivier Côté. Bien, tout à fait. Puis il faut bien comprendre que Guy Sanche était devenu en quelque sorte Bobineau dans sa vie, dans sa façon de s'exprimer, dans sa manière d'être avec les autres et surtout avec les enfants. Et ça rend cette situation encore plus difficile. Et donc, il va se retirer à Saint-Fabien-sur-Mer dans sa maison d'été qui est devenue en quelque sorte sa maison permanente. Et il va malheureusement mourir peu de temps après, encore très jeune, en 1988, à l'âge de 52 ans. Ouais. En tout cas, Olivier Côté, merci de nous en avoir si bien parlé. Je rappelle que vous êtes conservateur des médias et des communications au Musée canadien de l'histoire à Gatineau. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc et Fanny Leblanc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.